pile et t'as eu. Tu disais que c'était ta folle, mais au final elle t'a eu. Mais au final elle t'a eu. Tous les jours, rien que je m'en fume tous les jours. Mon bébé, mon bijou, essuie tes larmes sur les joues. Leur gentillesse est finie, je serai seul dans Lamborghini. Et si je vois les képis, accélération, fin des pompes dans le froid, intense dans le camion à 3. On boit trop d'alcool, on va finir par sniquer le foie. Poto il encaisse le 3, il veut mettre la scène à tout le monde. Après il a plus rien pour manger, il regarde la scène à tout le monde. Passe-moi le feu des couilles. Les fils de me dégoûtent. En ce moment c'est bizarre. Je pense que je suis sur écoute. Je cache l'iPhone pour parler. Je mets la musique en fond. Oh oh oh, je m'en fous de ce que les gens font. Oh oh oh, continue mon rêve d'enfant. Oh oh oh. C'est d'où je viens de Massilia. C'est raquette, charbon et assassinat. Tu jalouse de moi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Je vais passer le week-end avec Maria. Il y a le soleil et la playa. On est loin du monde avec ma fille. Elle est encore plus belle sans maquillage. Faut que je m'éloigne de gens pas fiables. La pute d'Amsterdam, une super dame. Ça veut la belle maison et le propriétaire Verkan. Ça veut du racan. Je fais gaffe sous l'airbag, qui est pas un airtag. Sous pipi dans le secteur, faut investir maison hectare. Je vis comme un mec en cavale qui vit caché quelque part. Tu m'as dit qu'elle était bonne, apparemment elle s'appelle Hector. Quand j'arrive devant chez moi, pour pas qu'on me voit, je mets les pleins phares. Là, je suis dans le four en ce moment, j'ai la forme. Le mécano m'a dit à force de cabrer, tu vas niquer la fourche. L'épée à mort, tu me joues la vie. On m'a dit, t'inquiète, tu vas la voir la lune si tu la vises. J'ai l'impression que tu as un retour en faisant des cadeaux. Je sais pas, je suis parano, un peu comme Tony Soprano. En son prado, sur les gadis et parasols. Sache que tu peux te faire trouer même si tu pars à la salle. C'est d'où je viens de Massilia. C'est raquette, charbon et assassinat. Tu jalouse de moi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Je vais passer le week-end avec Maria. Il y a le soleil et la playa. On est loin du monde avec ma fille. Elle est encore plus belle sans maquillage. Faut que je m'éloigne de gens pas fiables. Je fais pas de cinéma, maman, chiquita et bellissima. Raquette assassinat, il te met ton peine maximale.